franceinter.fr. Bonsoir. Peut-être connaissez-vous cette photo de Lénine, prise à Moscou en 1920. Le leader bolchevique harangue la foule depuis une tribune en bois, gardée par deux de ses proches, Léon Trotsky et Lev Kamenev. Mais à la fin des années 20, avec l'arrivée au pouvoir de Staline, la photo disparaîtra de l'album officiel. Ou plutôt, elle survivra, après la Seconde Guerre mondiale, mais dans une version expurgée. Trotsky et Kamenev, qui entre-temps ont été assassinés sur ordre de Staline, ont tout simplement disparu. Effacé, gommé de la photo et de la mémoire. L'histoire que je vais vous raconter ce soir ressemble à celle de cette photo. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle s'est passée en France, en 1943, sous l'occupation, dans les maquis communistes de Haute-Loire, près du Puy-en-Velay. 1943, c'est l'année où Louis Aragon écrit son poème « La rose et le réséda », bel appel à l'union de tous les résistants, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. On pourrait croire en effet que la priorité de la résistance était d'unir toutes les forces anti-nazies contre l'occupant allemand. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, en novembre 1943, au maquis du Vaudely, à Raffy, en Haute-Loire, le parti communiste clandestin procéda en secret à l'élimination de 4 hommes, parce qu'ils étaient trotskistes, assassinés d'une balle dans la tête et voués à l'oubli. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Il a fallu en effet plus de 50 ans pour que la vérité soit faite sur cette histoire. Grâce à vous, Raymond Vacheron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été longtemps syndicaliste à la CFDT, à la CGT, pendant 40 ans. Vous avez aussi milité à la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, le parti trotskiste de l'époque, jusqu'en 1994, puis au Parti socialiste. Alors je dis que la vérité sur cette histoire, c'est à vous qu'on la doit, Raymond Vacheron, parce qu'en 1997, vous avez publié avec Pierre Brouet, le grand historien du trotskisme, chez Grasset, un livre, Meurtre au maquis, un livre qui a fait grand bruit à l'époque, justement qui révélait cette histoire. Oui, c'était le résultat de 6 ans d'enquête et de 50 ans de silence, quoi. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre 50 ans pour que cette vérité puisse être dite ? Parce qu'on a tout fait pour qu'elle ne soit jamais connue. Ce qui est incroyable, c'est qu'on allait assassiner là un des dirigeants du Parti communiste international, créateur du Parti communiste italien, Pietro Tresso. Pietro Tresso. Et on a tout fait pour qu'on cache cet assassinat. Donc vous, Raymond Vacheron, vous êtes de la région du Puy-en-Velay, c'est là où vous habitez d'ailleurs toujours. Vous connaissiez les rares témoins survivants, vous les avez rencontrés ? D'abord, je suis passionné d'histoire, c'est ce qui m'a quand même conduit à faire cette enquête et à publier d'autres écrits sur l'histoire. Je savais que Pietro Tresso s'était évadé de la prison du Puy, la nuit du 1 au 2 octobre 1943, et je savais qu'on ne savait plus de rien de lui. Que faisait-il en 1943 en France ? Pourquoi est-il Alors, en France ? Pietro Tresso est un réfugié anti-fasciste italien en France. Il a été écarté à la fin des années 20 de la direction du parti et il a été exclu du parti parce qu'il a choisi de soutenir ceux qui s'opposaient à Staline en URSS, notamment Léon Trotsky. Et donc, il est arrivé en France dans les années... Il était obligé de fuir l'Italie fasciste et il est venu en France se réfugier. Absolument, avec sa compagne Barbara, et il est resté en France une dizaine d'années. Et puis, il a fui au fur et à mesure que les armées allemandes arrivaient, si vous voulez, il est allé se réfugier à Marseille. Et à Marseille, il a participé avec ses amis à la résistance urbaine, c'est-à-dire diffusion de tracts, etc. Et ils se sont fait arrêter. Et il a été condamné avec 3 autres camarades à lui, à la prison, parce que on l'a condamné pour appartenance à la Troisième Internationale, celle de Staline, ce qui est quand même un comble. Et donc, de prison en prison, il est arrivé au Puy-en-Velay en décembre 1942. Et c'est donc en octobre 1943 qu'aura lieu l'évasion dont nous allons parler dans quelques minutes. Pouvez-vous nous expliquer, Raymond Vacheron, pourquoi les communistes avaient une telle haine à l'égard des trotskistes ? Si vous voulez, Staline prend le pouvoir en URSS à partir des années 27, et tout ce qui s'oppose à lui doit disparaître. Et d'ailleurs, pas que des opposants trotskistes, tous les opposants en général. Parce que c'était une alternative à l'intérieur du système soviétique, et il n'a cessé de les pourchasser, d'abord en URSS. Et puis il les a chassés parce que l'opposition trotskiste s'est étendue un peu dans le monde communiste et dans tous les pays. Et donc on a vu des assassinats clandestins de gens qui étaient des dirigeants dits trotskistes. Surtout ceux qui avaient une influence importante issue de leur présence dans le mouvement communiste. Donc ils ont fait assassiner Trotsky dans le Mexique en 39. Et Pietro Tresso était le symbole du trotskisme vivant encore, puisque c'était l'un des créateurs d'un grand parti communiste européen, le Parti communiste italien. Donc après avoir tué Trotsky, si vous voulez, dans la hiérarchie de ceux qui devaient disparaître, Pietro Tresso était évidemment une cible importante. Et quelle est la situation en France en octobre 1943, quand cette histoire va commencer ? Alors, bien sûr, c'est une France occupée. Le Puy-en-Velay est occupé. L'opinion publique est encore divisée entre les pro-pétainistes, parce qu'en Haute-Loire, par exemple, ils sont encore majoritaires, et ceux qui espèrent qu'on va mettre fin à l'occupation nazie. Surtout ils viennent de subir une défaite très importante à Stalingrad, en début de l'année 43. Donc, si vous voulez, l'espoir renaît de les battre à nouveau, et militairement, et politiquement, et qu'on en finisse avec Hitler. Et la Haute-Loire est une région où il y a beaucoup de maquis. Alors, si vous voulez, c'est très paradoxal, parce que la Haute-Loire ne fournit pas beaucoup de résistants, mais elle fournit un territoire où les résistants sont nombreux, c'est-à-dire qu'ils viennent de la Loire, très nombreux, et des prisons qui viennent de la France entière, et donc il y a un vivier de résistance, même si les résistants ne sont pas natifs de Haute-Loire. Alors Raymond Vacheron, nous nous retrouverons dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Juste après, Au nom du peuple, un texte écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire par François Luciani. Réalisation, Michel Sidoroff. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour de ses 77 ans. Le hasard de la vie a voulu que la dernière fois que j'ai vu Barbara Seidenfeld, c'était son anniversaire le 17 mai 1978. L'infirmière posa sur la table de chevet ce que je lui avais apporté. Ce n'était pas grand-chose. Une tarte aux myrtilles avec une bougie, histoire de marquer le coup, et un petit paquet. Barbara était allongée sur son lit immobile, seule dans le silence de sa chambre d'hôpital. Elle était faible. Lorsqu'elle me vit, elle sembla s'interroger sur qui j'étais, la raison de ma visite. Elle pouvait ne pas me reconnaître. Cela faisait des années qu'on ne s'était vu. L'infirmière alluma la bougie et lui dit « Bon anniversaire, Barbara ». Elle sourit vaguement. Je lui dis « Ouvrez, Barbara, c'est pour vous ». Elle prit le paquet délicatement dans ses mains. Elle l'observa un moment et l'ouvrit, appliqué, de ses doigts fins marqués par le temps. Soudain, son visage s'illumina. C'est Pietro ? Oui, Barbara, c'est lui sur la photo. Pietro Tresso. Pourquoi ? Vous vous souvenez de Pietro, n'est-ce pas ? Qui êtes-vous ? Mon nom est Chapelle. Albert Chapelle. À cet instant, j'ai vu la peur envahir son regard. C'était comme si la souffrance de cet amour qu'on lui avait cruellement arraché 40 ans auparavant faisait surface à nouveau. Brutale, encore intacte, comme une plaie ouverte. C'est inutile, monsieur Chapelle. Rentrez chez vous. C'est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Que voulez-vous que je vous dise ? Pietro, Je l'ai cherché toute ma vie. Je n'ai jamais rien trouvé. Rien. Aucune trace. Pas même les restes de son corps. Rien. Zéro. Le vide. Alors, vous n'apprendrez rien, Monsieur Chapelle. Rien du tout. Sauf peut-être une simple chose que nous savons tous. On nous a tellement menti pendant tant d'années. J'ai souvent entendu parler de vous, Monsieur Chapelle. Vous savez? C'est moi qui vous faisais passer les lettres de Pietro. Je ne l'ai pas oublié, voyez-vous. C'était au Puy-en-Velay, en 1943. Pietro était en prison depuis des mois. Retour 35 ans plus tôt. Nous sommes à la fin de l'été 1943, dans la petite commune du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. La maison d'arrêt départementale située aux abords de la ville retient 79 prisonniers politiques, des résistants pour la plupart, communistes, socialistes, antifascistes, tous condamnés à de lourdes peines par l'administration de Vichy. Les services secrets britanniques, alertés de la déportation imminente vers l'Allemagne de ces détenus politiques, demandent à un résistant de la région, Albert Chapelle, coiffeur de formation et gardien de prison, d'organiser leur évasion. Cette évasion, une des plus spectaculaires réalisées par la résistance sous l'occupation, restera pourtant très longtemps entachée d'un douloureux mystère. Parmi les 79 hommes libérés, 4, tous trotskistes, disparaîtront dans des conditions qui ne seront jamais élucidées et sur lesquelles les dirigeants communistes français et italiens garderont fermement le secret pendant un demi-siècle. Parmi ces 4 hommes, Pietro Tresso. Tresso, 50 ans, est italien, militant syndicaliste, ancien fondateur avec Antonio Gramsci du Parti communiste italien, dont il a été exclu en 1930 pour trotskisme. Comme sa compagne Barbara Seidenfeld, militante elle aussi, il vivait en exil en France quand il a été arrêté par la police de Vichy et emprisonné au Puy-en-Velay. Trotskisme, stalinisme, des orientations politiques qui échappent encore à Albert Chapelle, quand à la fin de l'été 43, il reçoit l'ordre d'organiser l'évasion, sans distinction politique. Pour mener à bien son plan, Chapelle prend contact avec Giovanni Sosso, résistant communiste, un fidèle du parti. Sosso me regarde de haut, comme si j'étais une fille. Il doit avoir une petite quarantaine et porte une chemise ouverte aux manches retroussées à la manière d'un travailleur de force. Planqué derrière ses moustaches, il roule tranquillement une cigarette papier maïs entre ses doigts en me surveillant du coin de l'œil. Il m'a donné rendez-vous au bistrot des cheminots, près de la ligne de chemin de fer désaffectée. Alors, petit gars, ça se passe bien, les bigoudis? Oui, ça peut aller. Tu arrives à les rouler comme tu veux? Oui. Et ces dames, elles sont contentes? Oui, sauf quand je me trompe pour la couleur, bien sûr. Ah, la couleur, c'est vrai, j'oubliais. Les bigoudis, c'est fini depuis un petit bout de temps, camarade. Aujourd'hui, je suis sous-chef à la maison d'arrêt de Châteauroux. C'est ce qu'on m'a dit. Et alors, qu'est-ce que tu me veux, petit? Le transfert des détenus de la prison du Puy est prévu avant la fin de l'année. Direction l'Allemagne. C'est ce qu'on dit. Ils cherchent un surveillant au Puy. Je vais demander ma mutation. Toi? Oui, moi. Tu te crois plus malin que les autres? Vial, Barnier, ça te dit rien? 2 morts, 10 blessés. La dernière fois qu'on a essayé, ils ont tous été repris. Ça ne te suffit pas? J'ai un bon plan, je te dis. Je te crois pas. Alors tant pis, j'irai voir ailleurs. Oh, te fâche pas, petit. Tu es bien nerveux. Alors, c'est quoi ton plan? J'ai pas confiance. Je te le dirai si je veux. Allez, fais pas ta chouchotte. Montre. Pas ici. Pas de doute. Sosso est un homme courageux. Il a l'habitude du danger. Il connaît les risques. Mais il y a quelque chose en lui qui ne me plaît pas. À la réflexion, je crois que c'est tout simplement ses manières de brute. D'un geste de la main, Il fait signe au patron de fermer. Marcel. Bon, allez, les gars. On ferme ? On ferme. Allez, bon. Allez, viens. Maintenant, on peut parler. Qu'est-ce que tu cherches, petit ? J'ai un contact à l'intérieur. Qui ? Ollier, Augustin. Je le connais. C'est un camarade. Et alors ? C'est lui qui nous guidera. Il est dedans depuis 6 mois. Je sais. Tu vas entrer comment ? J'ai mon réseau. Dis-moi un nom. Désolé. C'est pas dans mes habitudes. Qui est-ce qui t'envoie ? Devine. Tu veux jouer les durs, c'est ça ? On en reparlera quand tu seras dedans. On saura vite si tu mens. Tu me prends pour un bleu ? Oui. C'est ce qu'on verra. Le jeune Albert Chapelle est un garçon discret, engagé sans faire de bruit. Il a déjà beaucoup agi en clandestinité, et surtout pour son silence, il a gagné la confiance du SOE, Special Operations Service. Quelques semaines plus tard, avec l'aide secrète des réseaux FTP associés au SOE, Albert Chapelle est muté au poste de sous-chef à la maison d'arrêt du Puy par arrêté administratif. Cette fois, il a définitivement troqué sa blouse de garçon coiffeur pour un uniforme de gardien. Je n'imaginais pas une telle crasse. On est en septembre et il fait froid comme en plein hiver. Les murs puent la moisissure. Si on veut garder l'uniforme correct et les chaussures propres, il faut savoir enjamber les flaques et éviter d'écraser la queue des rats qui viennent boire l'eau croupie des coursives. Les prisonniers s'entassent sur des paillasses à 6 par cellule. Certains dorment à même le sol. On entend leur toux à travers les portes de bois cadenassées à double tour, dont j'ai désormais les clés 5 fois par nuit. Il est 1h du matin. Mes collègues jouent aux cartes. Il y a là Maurice Ripoche, gardien-chef, Marcel Gavreau, surveillant sous-chef, Jacques Paluvert, gardien. J'entre dans la pièce, de retour de ma première ronde de nuit. Joli. Putain, je suis crevé. Ah, c'est le métier qui rentre, petit. Faudra t'y faire. Je peux dormir là, dans le coin ? Non mais, tu te crois dans un 4 étoiles ? Tu voudrais aussi qu'on t'amène une petite, peut-être ? Une mignonne, avec des jolis yeux de biche. Ça te ferait plaisir ? C'est pas ce que je veux dire. Ici, on est là pour bosser, pas pour pioncer. D'accord ? Allez, viens t'asseoir. À tout. D'accord. Hein. Bon, tu mises combien ? Ben, ce que j'ai, 2 francs. Allez. Ah, oh, putain ! Ils vont quand même pas nous faire chier à cette heure ! Chapelle, va voir ce qu'il veut. Allez, joue ! Allez, on fait un tour. Allez, à toi de donner. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un problème ? Il y en a un qui va très mal, chef. J'entre dans la cellule et je découvre un homme affreusement amaigri. Il doit peser à peine 40 kilos. Il est allongé à même le sol, face contre terre. Je prends sa tête entre mes mains pour dégager son visage. Je reconnais aussitôt le camarade Ollier, mon contact. Son corps est enveloppé dans une couverture usée jusqu'à la corde. Il a de la fièvre, il souffre de la hanche. Je l'interroge devant les autres sans laisser passer la moindre émotion. Comment tu t'appelles ? Ollier, chef. Augustin. Et alors ? Pourquoi tu cries comme ça en pleine nuit pendant que les autres dorment ? J'ai mal, chef. Il faut le soigner, chef. Il va mourir sinon. Mais toi, de quoi tu te mêles ? C'est quoi ton matricule ? Matricule 6212, chef. Comment tu t'appelles ? Tresso. Pietro Tresso, chef. Il faut le soigner, je vous dis. Tu t'occupes de tes affaires, d'accord ? C'est cette nuit-là que j'ai vu Pietro Tresso pour la première fois. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Il a l'air doux, un regard vif. Une expression étrangement paisible, comme s'il attendait patiemment que quelque chose de bien arrive enfin. Ce qui m'étonne, c'est qu'il veille sur Augustin Ollier, alors que chacun sait en cellule que c'est Ollier lui-même qui l'a mis en quarantaine dans le quartier des politiques. En prison, la quarantaine est une pratique terrible. Depuis l'hiver 1942, à la maison d'arrêt du Puy, il y a une prison dans la prison. Les prisonniers communistes, comme Augustin Ollier, ont reçu l'ordre du parti de mettre 5 hommes à l'index, tous trotskistes. Pietro Tresso, dissident du Parti communiste italien qu'il a lui-même fondé, Albert de Mazières, instituteur, dirigeant du Parti ouvrier internationaliste, condamné aux travaux forcés à perpétuité pour activités subversives. Abraham Zadek, polonais clandestin, militant du Parti ouvrier internationaliste, condamné à 10 ans de prison pour espionnage et activités subversives. Jean Reboul, employé de commerce à Marseille, résistant, condamné à 10 ans de prison. Enfin, Pierre Salini, alias Maurice Ziegelmann, juif d'origine turque, arrêté en 1942 à Marseille. En cellule, les camarades de détention ne leur adressent plus la parole. Ils ne partagent et n'acceptent rien d'eux. La consigne est d'ignorer leur présence et de les exclure de la communauté des détenus. Leurs gamelles sont délibérément renversées. La tinette est systématiquement occupée quand vient leur tour. En croisant ces regards perdus, ces hommes désespérés après tant de mois de souffrance, je suis convaincu qu'il est grand temps d'agir. Le 12 septembre 1943, Tresso, épuisé, écrit à Barbara. Ce sera sa dernière lettre. Il vaut mieux, mille fois mieux, affronter toutes les difficultés de la vie que d'être supprimé par une balle dont on ne sait même pas d'où elle vient. La bestialité, la lâcheté, la mesquinerie, la pingrerie sont vraiment sans limite. Ces jours-ci, j'en ai moi-même la nausée. Bientôt, ce sera encore pire. Mais pour cela, au lieu de s'avouer vaincu, il faut se redresser et faire front. Si je pouvais, je me ferais juif. Et devant la meute famélique des limiers et des prostituées qui déjà se pressent à lyncher les fils d'Isaac et de Jacob, je serais fier de pouvoir crier « Merde !» et puis « Merde !» et puis « Merde encore !» au misérable troupeau de misérables. Je t'assure qu'en écrivant ceci, je ne pense pas aux Allemands, hitlériens ou non. Je pense au contraire à ces soi-disant Français qui, au lieu d'avoir au moins la pudeur de se taire dans l'immense catastrophe qui s'est abattue sur leur pays, prennent le langage et se servent des insultes des vainqueurs pour en accabler leurs propres compatriotes. Fin septembre 1943, en haut lieu, les services de renseignement britanniques ont acquis la certitude que la déportation des prisonniers du Puy est programmée plus tôt que prévu, au plus tard début novembre 1943. L'ordre est donné d'agir sur place aussi vite que possible. Ce sera pour le 1er octobre, dans la nuit du 1er au 2. Tu peux prévenir les autres. Tu es sûr de toi, petit ? Ne m'appelle pas petit. Mon nom est Chapelle. Albert Chapelle, d'accord ? D'accord. Petit. On commencera après la dernière ronde. C'est moi qui donnerai le signal. Ils sont 79, exactement. Faudra faire vite. On a un problème. Quel problème ? Ils ne sont pas 79. Pardon ? Ils ne sont pas 79, je te dis. Ils sont 74. Impossible. Je sais de quoi je parle. 74. Pas un de plus. Les trotskistes, on n'en veut pas. Tu te fous de ma gueule ? Non. Ce sont les ordres. J'en ai rien à foutre des ordres. Ça sera tout le monde ou personne, vu ? Ce sont les ordres, je te dis. Tes ordres, c'est pas les miens, camarade. On n'a pas les mêmes chefs, toi et moi, tu vois ? C'est des ordres quand même. Pas la peine de discuter. Ce sera tout le monde sans exception. T'es salade, je m'en fous. Tu te crois malin ? Tu veux faire le mariole ? Les traîtres, c'est des traîtres. T'as pas encore compris ? Ollier est au courant. On passera par lui pour passer le mot de l'intérieur. Tous, sans exception. C'est vu ? Tu risques de le payer cher. C'est comme ça et pas autrement. Tu fais chier, petit. Il est 19h le 1er octobre 1943 quand Albert Chapelle arrive à la prison du Puy pour prendre son service. En apparence, c'est un soir comme un autre. Mais ce soir, Albert Chapelle a dissimulé une croix de Lorraine épinglée au revers du blouson. Dans ses poches, il a un colt et une provision de somnifère. Dans un sac, une dizaine de bouteilles de bon vin de pays. Rapidement et silencieusement, il passe le long des coursives et chuchote à travers le judas des cellules. Bon instant, les gars. Et bonne chance, hein. Les gars, on fout le camp ce soir. Habillez-vous en silence, l'un après l'autre. Faites un paquet de vos provisions, mais rien de plus, hein. Recouchez-vous sous la couverture. Quand vous entendrez sonner 11h, tenez-vous prêts. Dès qu'on frappera à votre porte, vous vous rangerez en file indienne et vous attendrez en chaussettes. Bonne chance. Jovial, comme à l'accoutumée, il leur raconte même de bonnes histoires, comme celle d'un débarquement allié qui se préparerait quelque part en baie de Somme. Et les gardiens s'endorment paisiblement, les uns après les autres, assommés par les somnifères. Chapelle cisaille alors les fils du téléphone, puis remonte la passerelle pour offrir sa tournée aux deux gendarmes qui commandent les fusils mitrailleurs en batterie. Ils ne tardent pas à plonger à leur tour dans les bras de Morphée. À 1h du matin, la prison est entre nos mains. 18 gardiens et surveillants au total sont prisonniers à leur tour. Il n'y eut aucune violence. Tout s'est déroulé dans le plus grand silence, exactement comme je l'avais prévu. Ollier, malgré sa hanche douloureuse, a été d'un courage et d'une aide exemplaires. Quand je suis entré dans la salle des gardes, j'ai braqué les deux derniers gardiens encore libres, mes collègues Ripoche et Paluvert avec mon colt. Ripoche était en train de compter les sous de l'intendance pour les mettre au coffre. Et alors, petit, à quoi tu joues ? Résistance. Tu bouges pas et tu fais ce que je te dis. J'ai pris les sous, je les ai mis dans une enveloppe. Il y avait exactement 32 253 francs et 40 centimes. Je lui ai fait un reçu en bonne et due forme, signé Résistance. Puis je l'ai bouclé en cellule avec Paluvert, sans autre forme de procès. À l'extérieur, Giovanni Sosso a la responsabilité des transports. Deux camions prévus par le maquis de Raffi n'arriveront jamais. Au lieu du rendez-vous, la logistique automobile se limite en tout et pour tout à une camionnette Berliet et deux voitures légères, une Delaunay et une Traction. Sosso et les FTP improvisent un débat à la hâte. Trois cadres FTP, Burle, Chirin et Dumont, embarquent dans la Delaunay, qui les transportera dans le Puy-de-Dôme. Ollier, blessé, part avec deux autres dans la Traction. Les évadés restants se divisent alors en deux groupes. 15 s'entassent dans la seule camionnette Berlier et le reste fera le chemin à pied ou à bicyclette. Dehors, c'est la débandade. En fait, chacun est libre de partir où bon lui semble. La colonne est dirigée par une escorte de guides incompétents et de jeunes FTP surarmés. Ces cadres du maquis n'ont ni carte ni boussole. Les évadés n'ont aucune idée du lieu où on les mène. Nous nous sommes égarés maintes fois. L'équipée tient du calvaire. Après les défections, nous sommes une soixantaine errant dans la moyenne montagne en direction du lieu-dit de Raffi, un hameau perdu dans les massifs du Mégal. Quand nous arrivons enfin au hameau de Raffi, après 3 jours d'une marche harassante, on n'est pas beau à voir. On a la barbe longue et les pieds en sang. C'est Giovanni Sosso qui nous accueille. C'est lui qui exerce le commandement du maquis de Raffi. Tresso, Desmazières, Sadek, Reboul, Salini, c'est par là. Les autres, vous vous installez dans les fermes et vous la bouclez en attendant les ordres. Et les 5 là, ils vont où ? Je t'avais prévenu, petit, ici les traîtres, on n'en veut pas. Et alors ? On les met au frais en attendant. Ils n'ont rien fait de mal ? Ici, petit, c'est moi qui commande, d'accord ? Tu fais ce que je te dis ou tu dégages, ok ? Emmenez-les ! 3 jeunes maquisards en armes poussent sans ménagement Tresso, Desmazières et les autres vers une bergerie isolée à flanc de montagne. À nouveau, les voilà en quarantaine, mis à l'écart de tous, comme quand ils étaient prisonniers. Ça va aller, les gars. L'afflux d'un groupe d'hommes aussi important provoque une pagaille noire dans le maquis. Soso semble dépassé par les événements. Le rationnement de plus en plus drastique affaiblit les hommes chaque jour davantage. On est 79 à table, au cas où tu aurais oublié. Qu'est-ce que t'as prévu pour demain ? On ira à la chasse. Pour se faire remarquer. Y a une meilleure idée ? Les fermiers du canton nous sont favorables. On peut descendre du côté de Saint-Julien et rassembler des vivres dans les fermes. Toi tout seul ? Demazière et Tresseau viendront avec moi. Ce serait plus utile que de les boucler, non ? Pourquoi eux ? Et pourquoi pas eux ? J'en ai marre de tes salades. Ça la fout mal devant les autres. Déjà qu'ils n'ont pas le moral. Je te préviens. Le moindre pet de travers, les trotskistes, je les dégage. Vu ? Tes ordres, je m'en fous. Allez. Dès le lendemain, nous sommes tous les trois en marche vers Saint-Julien-Chapteuil, une petite commune située à 1200 mètres d'altitude, dans les montagnes du Mégal. Pourquoi ils vous en veulent à ce point ? On n'est pas d'accord avec Staline, c'est tout. Et ça suffit pour faire tout ça ? Oui. Soso dit que vous êtes des traîtres à la Révolution, des espions. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. C'est la seule logique de Soso et les autres. Si tu n'es pas d'accord avec l'alliance avec Chiang Kai-shek en 1927, la politique désastreuse du PC allemand, anti-unitaire, qui a favorisé la victoire de Hitler, l'appel aux chemises noires en Italie. Alors, si tu oses discuter les ordres de Staline, c'est la quarantaine et le reste. Ils nous tueraient même si on le leur demandait. Tu crois ça ? J'en suis certain, et sans état d'âme encore. La nuit commence à tomber sur l'immense paysage du Mégal. Il fait froid. Les trois hommes n'ont ni vivres, ni cartes, ni boussole. Après des heures de marche, le sentier qu'ils suivent vers Saint-Julien fait une patte d'oie. Qu'est-ce qu'on fait ? À ton avis, c'est à gauche ou à droite ? J'en sais rien. Si on se perdait tous les trois, ça serait vraiment con. Alors on n'a qu'à se séparer. Bon, Demazière, tu prends par là. Nous, on continue tout droit. Et on se retrouve à la première ferme de Saint-Julien, d'accord ? Très bien. Nous avons décidé de nous séparer pour être sûr qu'au moins l'un d'entre nous pourrait ramener des vivres au maquis. C'est là, à la patte d'oie, que j'ai vu Demazière pour la dernière fois. Il a pris le chemin à gauche, qui descendait sur Saint-Julien par le Mounier. On l'a attendu toute la nuit, Tresseau et moi, à la première ferme de Saint-Julien où la famille Solac nous a offert le gîte et le couvert. Le lendemain matin, nous avons encore patienté jusqu'à 8 heures. Puis nous avons décidé de faire route vers Rafi pour retrouver le maquis avec des vivres plein les sacs que nous transportions désormais grâce à Pompon, l'âne que les Solac nous avaient prêté. En arrivant à Rafi après une journée de marche, nous sommes accueillis par Giovanni Soso. Demazière, il est où ? J'en sais rien. Je te le redemande. Demazière, il est où ? On s'est séparés avant la nuit et puis après, je sais pas, on l'a plus revu. Cet enfoiré s'est fait la malle, c'est ça ? On n'en sait rien. Pour nous balancer aux boches ? On n'a jamais été des traîtres, Soso. On est des communistes, des résistants, comme toi, Demazière le premier. On n'est pas ce que tu dis. Tu te fous de ma gueule ? Tu crois que je vais avaler tes putains de couleuvres ? Ce salaud s'est barré pour nous balancer. Voilà la vérité. C'est un espion. Calme-toi, Soso. Faut y voir clair. Inutile de s'énerver pour rien. Un putain d'espion, voilà. Que ça te plaise ou non. Toi, fous-moi ce chien au trou. Allez, après. Le jeune maquisard arme son fusil mitrailleur et du bout du canon pousse Tresseau vers la bergerie où l'attendent toujours en quarantaine ses camarades Salini, Sadek, Reboul. Désormais, ils ne sont plus que quatre. L'étrange histoire de ces hommes, c'est qu'ils sont pris au piège, jetés dans des camps irréconciliables. Giovanni Soso, alias Capitaine Jean, est un résistant courageux, mais c'est aussi un militant de l'appareil stalinien, qui n'autorise aucune discussion, ni même opposition, au sein des cellules du Parti communiste français, comme au cœur des maquis de la résistance. Au maquis de Rafi, s'organise un soir, autour du feu, un genre de procès stalinien à l'image de ceux de Moscou dans les années 30. Sosso présente son rapport sur la nécessité de lutter contre les ennemis de la Révolution, les traîtres et les saboteurs, et en premier lieu, les trotskistes. À la lueur des flammes, les responsables du maquis prennent la parole. Ils sont tous d'accord. Il faut en finir avec les ennemis de la Révolution et de Staline. Camarades, s'il y a des traîtres parmi nous, nous devons avoir le courage de les mettre hors d'état de nuire. C'est notre devoir, mais ce sont aussi les ordres. Quels ordres ? Les ordres, petit. Tu vois très bien ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. D'abord, les empêcher de parler. Parler à qui ? Aux chèvres ? Il n'y a personne à qui parler ici. Toi, tu sais où est Demazière en ce moment ? J'en sais rien, dans la nature. Pour moi, il est en train de renseigner les boches. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu en sais ? Il a peut-être été repris. Il est peut-être même en train de se mettre à table. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait ça. D'abord, pourquoi il s'est enfui ? Tu peux me le dire ? Il s'est paumé, je te dis. Paumé ? Tu parles. Des gars comme ça, ils finiront par nous faire tomber. Tous ! C'est sûr, il y a des mouchards, des escrocs, des ennemis de la résistance et de la révolution. Alors, on n'a pas le choix. Le sort de Tresso, Salini, Sadek et Reboul venait d'être scellé. Sosso ordonne de les mettre en quarantaine renforcée jusqu'à nouvel ordre. Ils sont enfermés dans la bergerie du Feuillac à flanc de montagne, isolés des autres, sans aucune communication avec l'extérieur. Ils sont désormais coupés du monde. Un soir, je profite que le gardien de la bergerie s'est endormi pour venir leur parler. Tresso, tu m'entends ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas bien ? Ça peut aller. Et les autres ? Ils dorment. Salini fatigue vraiment, tu sais. Tiens, voilà du pain frais et un peu de jambon. Il y a un crayon et du papier. Si tu t'emmerdes, au moins, tu pourras écrire. Merci, camarade. Je suis reparti vers le quartier général du maquis. J'ai salué quelques camarades qui faisaient le guet, en armes, puis je suis allé me coucher. Ce soir-là, c'est la dernière fois que j'ai vu Pietro Tresso. Dans la nuit, j'ai entendu des coups de feu. 4 exactement. J'ai appris ce jour-là que Pietro avait quitté le maquis de Raffi pour une nouvelle destination. Je ne savais pas où il était parti, où il l'avait emmené. J'avais peur. J'espérais qu'il aurait le courage de résister encore et de ne pas m'abandonner. Quand le jour se lève sur le massif du Mégal, Albert Chapelle, comme tous les matins, se dirige vers la bergerie du Feuillac pour apporter du lait aux prisonniers. Mais il n'y trouve personne. Ils sont où ? Partis. Partis où ? Partis, je te dis. On les a mutés ailleurs, avec les autres espions. Tu les as butés, c'est ça ? Moi ? Oui, toi. Pourquoi j'aurais fait ça, petit ? Pour obéir aux ordres. Petit. Voilà maintenant des jours et des jours que je n'ai plus eu de nouvelles de Pietro. Je lis et relis sans cesse ces derniers mots où il me dit « Le jour de la libération est proche. Ce jour-là, j'en suis certain, tu seras là et tu m'apporteras une chemise et une cravate. » La cravate est là, sur le lit, bien pliée avec la chemise. J'attends depuis des jours et des jours le moindre signe de sa présence. Mais nous allons bientôt fêter Noël, et je n'ai eu aucun signe de vie. Sosso et les autres sont toujours muets. Comme si plus personne du maquis ne voulait me parler. Pourquoi ce silence ? Aurait-il quelque chose à cacher ? Quand je suis retourné à la bergerie du Feuillac, il n'y avait plus aucune trace de rien. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Ce jour-là, j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté le maquis de Rafi sans prévenir personne. Je savais qu'un jour, il serait capable de me tuer, moi aussi. Je n'ai jamais eu la preuve que Giovanni Sosso avait tué Tresso, Salini, Sadek et Reboul. Des résistants comme lui. Pourtant ce crime, je l'imagine. Je le connais comme si je l'avais commis avec eux. Comme si j'avais tenu à leur côté l'arme qui les a tués. Je les vois. Ils ont les yeux bandés. Ils marchent le long de la crête de Feuillac. Un peu plus haut encore dans la montagne. Puis ils s'arrêtent au bord d'un trou. Sosso dit « En ligne ». Ils se mettent en ligne, dociles. Sosso dit « Feu ». Et ils font feu. Puis ils recouvrent leurs têtes ensanglantées, leurs corps inertes, de terre et de branchages à la hâte, avec des pioches et des pelles de fortune. Ce cauchemar me hante depuis toujours. Barbara Seidenfeld mourra à l'âge de 77 ans, à Rimini, le 3 novembre 1978, épuisée par toute une vie de recherche, sans jamais avoir revu Pietro, l'homme de sa vie, ni sans savoir ce qui est arrivé un matin de novembre 1943, au lever du soleil, quelque part en France, dans le massif du Mégale. Albert Chapelle, lui, poursuivra sa route dans les maquis de résistance et s'engagera définitivement dans l'administration pénitentiaire, étrangement, comme gardien, jusqu'à sa mort en 1996, à l'âge de 77 ans. Quant à Giovanni Sosso, alias Capitaine Jean, il deviendra journaliste, correspondant de l'Humanité en Pologne après la guerre. Il couvrira les grands procès staliniens des années 50. Il restera jusqu'au bout un homme protégé. Il faudra attendre la chute du mur de Berlin et l'ouverture des archives du Parti communiste d'Union soviétique pour retrouver l'ordre de l'exécution des traîtres Tresso, Salini, Sadek et Reboul, exécutés un matin d'hiver au maquis de Rafi, au nom du peuple. Au nom du peuple de François Luciani avec Roland Timsit, Albert Chapelle, Catherine Houdin, Barbara Seidenfeld, Fosco Perinti, Sosso, Niki Marbeau, Ripoche, Bruno Labrasca, Tresso, Olivier Peignet, Ollier, et les voix de Léo Reynaud, Fabrice Talon, Mathias Simon et Louis-Marie Audibert. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Delphine Baudet et Nicolas Depas Graff, assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum, réalisation Michel Sidoroff. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion avec Raymond Vacheron. Je sais que le jour viendra. On se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés, les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner. Aujourd'hui c'est moi qui tombe. Je rejoins l'armée des ombres. Mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes. Juste après la pluie qui tombe. L'herbe viendra repousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Mickey 3D, La Rose Blanche, dans Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Une émission réalisée par Sylvain Richard, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, à la technique Vincent Godard. Et Valérie Pocheveux à France Bleu, Pays d'Auvergne. Raymond Vacheron, c'est donc vous, avec l'historien Pierre Brouet, qui en 97, je l'ai dit, avait révélé cette histoire après plus de 50 ans de silence, l'élimination de 4 militants trotskistes. Rappelons au passage que les trotskistes ne furent pas les seuls à être éliminés par le Parti communiste. Il y eut aussi des opposants qui furent éliminés au sein même du parti. Comment avez-vous procédé, Raymond Vacheron? Vous êtes allé à Moscou, vous avez découvert dans les archives l'ordre d'exécution? Alors, si vous voulez, il y a deux pistes de recherche. D'abord, j'ai rencontré, et là, c'est pour ça que la fiction est très intéressante, j'ai rencontré pour la première fois Albert Chapelle dans une maison de retraite à Valence-d'Agen en 1991. Depuis qu'il avait organisé l'évasion, personne ne l'avait jamais interrogé. Jamais. C'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Je suis arrivé dans cette maison de retraite, il vivait avec son épouse. C'était un vieux monsieur, mais avec un esprit vif. Il avait tout en mémoire, j'ai tout enregistré. Donc j'ai refait l'évasion, qui a été très bien retraduite tout à l'heure. Mmh. Et après, j'avais la liste des 80 évadés, et j'ai recherché l'ensemble des évadés. Et je suis allé les chercher, y compris au fin fond de l'Espagne. Ça a duré 6 ans, hein. Vous voyez, l'enquête a été une très longue enquête. Et ils m'ont raconté peu à peu que, effectivement, une fois arrivés à Rafil, ils avaient été mis en quarantaine, qu'on les avait sollicités pour juger les trotskistes en disant il faut s'en débarrasser, etc. Exactement comme ça se passait à Moscou. À Moscou, ça se passait publiquement et devant des tribunaux. Là, ça se passait autour d'un feu de camp. Mais c'est les mêmes trucs. On les accusait d'avoir voulu empoisonner l'eau du camp, etc. Exactement, on a copié ce qui se passait en URSS. Et Albert de Mazières, est-ce que vous l'avez rencontré, celui qui est parti au moment où ils se sont séparés sur le chemin? Est-ce que lui, il a survécu? Vous avez dû aussi le rencontrer? Bien sûr, bien sûr. Lui, c'est incroyable. Il est allé au ravitaillement. Ils se sont perdus. Alors, il y a une petite différence avec la fiction. Aucun des trois n'est revenu, parce qu'il n'y avait pas très chaud dedans. Il y avait des GMR, c'est-à-dire la police, qui était autour du camp. Et ils ont eu peur de se faire prendre. Ils se sont échappés. Et après, il a disparu. Et il a essayé de chercher ses copains, mais il les a jamais retrouvés. Il n'est pas allé à la Gestapo comme il a été accusé de faire. Pas du tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il ne savait pas ce qu'étaient devenus ses camarades. Et Barbara Seidenfeld, est-ce que vous l'avez rencontrée, Raymond Vacheron? Malheureusement, non. Elle est morte en 78. Et moi, mon enquête a commencé en 90, quoi. 91. Et j'ai eu toutes ses archives. Ça, c'est passionnant. Elle est venue à quelques mètres de la tombe de son homme. incroyable. Et elle n'a jamais su la vérité. Vraiment, c'est le seul regret de toute mon enquête, c'est que j'ai pas pu lui dire à elle ce que j'ai pu écrire sur le livre, c'est-à-dire comment son homme avait été assassiné au coin du bois où elle est allée. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment. Et du côté des responsables, parce que quand on dit les ordres venaient d'en haut, bien sûr que les ordres ne venaient pas. C'est pas au maquis que ça s'est pris. Même Soso, s'il avait de l'autorité, il ne risquait pas de tuer un des créateurs du Parti communiste italien sans avoir l'accord de la hiérarchie stalinienne. Est-ce qu'il savait qui était Pietro Tresso ? Il savait que c'était un des fondateurs du Parti communiste italien ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Tout le monde savait ça. Et Soso n'est pas n'importe qui. Hein. Il était membre des services secrets soviétiques, donc c'est pas n'importe qui. Hein. D'ailleurs, s'il négocie avec Chapelle, quand on le présente là-dessus, c'est parce que c'est un dirigeant des services. Et donc, c'est qui a pris cette décision ? Est-ce qu'elle vient du Parti communiste français ou est-ce qu'elle vient directement de Moscou ? Alors, si vous voulez, c'est ce que a le travail de Pierre Brouet là-dessus, et donc il a recherché sur les archives. Alors, il est évident qu'il y a eu, en gros, l'accord du Parti communiste français, pas de la décision, mais l'accord qu'on pouvait les exécuter. L'accord du la direction clandestine du Parti communiste italien, parce qu'on n'allait pas tuer Tresso sans leur accord, et la direction stalinienne au niveau de Moscou. C'est deux consentements, les Italiens et les Français, et la direction stalinienne au niveau international. C'est terrible, parce que l'image de Staline, ça reste Stalingrad, le symbole de la lutte anti-nazie, et en même temps, pour tous ses opposants, Staline, c'est le symbole de la répression de tous ceux qui s'opposaient à lui. Et Pierre Brouet, quand il s'est rendu à Moscou, donc en 1994-1997, dans ces années-là, après l'ouverture donc des archives, est-ce qu'il a vu l'ordre d'exécution dans ces archives ? Non, il n'a pas. Il a vu, parce que lui c'est un spécialiste, il lisait carrément couramment le russe, etc. Et il a vu dans les archives que la place qu'occupait Soso et la place de cette affaire avait effectivement été complètement gommée de tout le lieu où on pouvait la retrouver, ce qui est un symbole pour lui, historien, de la décision qui avait été prise au plus haut niveau, mais on pouvait suivre à la trace la disparition des pièces qui prouvaient la décision, quoi. Raymond Vacheron, vous l'avez dit, pour mener cette enquête, vous avez rencontré des témoins, les prisonniers qui étaient justement avec Pietro Tresso et ses camarades dans la prison du Puy-en-Velay lors de l'évasion. Mais vous êtes aussi allé rencontrer des témoins dans la campagne, des paysans qui avaient vécu cette époque-là. Et le livre que vous avez écrit commence par ces récits. Vous avez rencontré des paysans du coin qui disaient qu'à leurs enfants d'éviter cette bergerie. Ils savaient ce qui s'était passé ? Bien sûr, c'était un lieu de secret. On savait, par exemple, où étaient les tombes. Parce que les tombes, maintenant, elles ont disparu, parce que le temps a fait son œuvre, mais c'était en contrebas de la bergerie. Donc, le village savait. Il ne savait pas qui était là. Il ne savait pas qui était Tresso, bien sûr, et tout ça. Mais il savait qu'il y avait des gens, des faux résistants, on leur avait dit, etc., qui avaient été assassinés dans le coin. Et la nuit où ils ont été assassinés, le lendemain, on leur a dit « Mais vous avez été attaqués, le camp avait été attaqué, on a entendu des coups de feu. » Non, non, non, on a fait un entraînement militaire. C'était un secret de polichinelle pour les paysans. Mais eux, ça les dépassait, si vous voulez. Et ceux qui auraient pu parler, ils ont attendu 50 ans, enfin, mon micro pour parler. Comment expliquer que ce secret a été gardé si longtemps ? Est-ce que les témoins avaient peur de représailles, comme Albert Chapelle peut-être avait peur aussi de parler ? Pas du tout. Albert Chapelle n'avait pas peur, mais on ne l'a jamais interrogé. Et lui, quand il a quitté la prison, il a disparu du maquis. Mais par contre, les autres, alors, ils avaient peur, ça c'est évident. Puis ils avaient peur qu'on salisse la résistance. Et puis ils avaient peur qu'on salisse le Parti communiste. Et puis après, à la fin, ils avaient la crainte simplement de dire la vérité parce qu'ils l'avaient tellement caché. Et alors il a fallu du temps pour qu'ils, se confessent. Non, qu'ils révèlent leur propre secret pour dire, ah oui, écoutez, c'est dégueulasse, ces gars, c'était des gars bien, ils étaient plus purs que nous, mais nous, Staline, on le prenait pour un dieu, et quand on nous disait, il faut tuer quelqu'un, on tuait quelqu'un. Et c'est, mon livre est aussi révélateur de ce qu'était le stalinisme. Hein. On peut pas imaginer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même en URSS, on peut parler presque, pas tout à fait, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais en France, on peut parler, on peut échanger, on peut écrire un livre. C'est pas sûr du tout qu'en 47, quelqu'un aurait été capable, était en mesure de publier un livre comme je l'ai publié 50 ans après. Merci beaucoup Raymond Vacheron. Pour en savoir plus sur cette histoire, je conseille donc la lecture de ce livre, écrit avec Pierre Brouet, « Meurtre au maquis » chez Grasset. temps d'Emporte l'Histoire est terminé pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être ratées. Au hasard, Apollinaire a volé la Joconde, Gertrude Bell, archéologue aventurière ou agent secret, ou encore Madeleine, huguenote et convertie. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement de style, changement d'époque, mais encore une histoire poignante, celle de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, épouse de Louis XIV, qui en 1664 fut soupçonnée d'avoir eu un enfant avec son nain. Dans le rôle de Marie-Thérèse, Rachida Brakni, et dans celui de Louis XIV, Louis Corbery de la Comédie Française. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.